Bonjour à toutes et bonjour à tous. Qu'est-ce qu'un algorithme? Que se cache derrière ce mot utilisé à la tout-va et le plus souvent aujourd'hui appliqué aux réseaux sociaux? Comment comprendre cette méthode qui permet de résoudre rapidement un problème, pour le dire simplement? Eh bien, l'algorithme a une histoire aussi vieille que les mathématiques, une histoire que la directrice de recherche au CNRS, Claire Mathieu, vient vous raconter ce matin. On commence avec la recette de la tarte aux pommes. Alors avant toute chose, madame, je vais vous demander quels sont les ingrédients que vous utilisez pour cette tarte. 250 g de farine, 250 g de beurre exactement. Je vous recommande bien, ce sont les proportions qui comptent énormément, voyez-vous. Un tout petit peu de sel pour faire gonfler votre pâte, 2 cuillerées de sucre en poudre, 2 cuillerées d'huile. Voilà. Il n'y a plus qu'à malaxer le tout, de façon à ce que les morceaux de beurre ne soient pas trop mous, voilà. Voyez. Si vous la faites la veille, c'est parfait, l'avant-veille c'est très bien. Il vous faut environ 10 minutes de cuisson pour la pâte avec les pommes mises dessus. Et c'est terminé, votre tarte est cuite et prête à manger. Als kleiner Junge war mir klar, mein Leben wird ganz wunderbar. Ich lebe einfach radikal nach Algorithmen meiner Wahl. Et oui, si comprendre les algorithmes vous paraît aussi difficile que de parler allemand, rassurez-vous, Claire Mathieu est là pour vous aujourd'hui. Bonjour Claire Mathieu. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes directrice de recherche au CNRS en informatique. Alors pour comprendre ce qu'est un algorithme, le philosophe et logicien Gilles Dewecq prend l'exemple de la tarte aux pommes, dont la recette transmise de génération en génération, sans être écrite sous forme de programme, mais donc dans la pratique de la tarte aux pommes, correspondrait à la notion d'algorithme. Est-ce que c'est une bonne manière pour commencer à définir ce qu'est un algorithme, selon vous? Je dirais que c'est un petit peu simpliste peut-être, mais justement c'est une bonne illustration des idées qui sous-tendent la notion d'algorithme. C'est-à-dire que si on dit juste à un jeune cuisinier ou une jeune cuisinière en herbe, vas-y fais une tarte aux pommes, eh bien celui-ci ne saura pas par quel bout prendre les choses, par où commencer. Mais grâce à la description qu'on a eue tout à l'heure, on a bien entendu comment procéder pour faire une tarte aux pommes. Donc ça nous donne une procédure, une méthode pour construire une tarte aux pommes qui est pas à pas, qui décompose la difficulté en étapes qui sont simples, des briques de base qu'on peut faire dès qu'on sait mesurer, qu'on a les ingrédients, qu'on suit les instructions et on arrive au résultat désiré. L'objectif, c'est d'avoir une bonne tarte aux pommes. Donc dans les deux cas, c'est une méthode qu'on applique. Tout à fait. Qui permet à chaque fois de ne pas se reposer la question de comment arriver au résultat. C'est une méthode, c'est constructif et ça donne une suite de... Ça décompose un problème qui peut être compliqué en une suite de briques de base qui sont faciles à manipuler. Donc c'est partir du complexe pour le décomposer en éléments simples. Tout à fait, exactement. Donc exactement. En soi, un algorithme est absolument accessible par tous. Pas besoin d'avoir des connaissances scientifiques pour comprendre ce qu'un algorithme. C'est exact. Un algorithme, je pense que nous utilisons tous des algorithmes sans le savoir quand nous décidons de méthodes pour aller du point A au point B, une démarche à suivre, une suite. Quand je fais de la marche en montagne, que j'ai un objectif d'aller à tel ou tel sommet ou tel col, eh bien, je choisis mon itinéraire. Je me dis d'abord, je vais aller au point A, puis au point B, puis au point C, et enfin, j'arriverai à mon but. Je décompose mon objectif qui est difficile d'arriver à tel ou tel sommet en une suite d'étapes qui sont simples et qui sont réalisables. Et je peux même décomposer encore plus. Pour faire un kilomètre en forêt, eh bien, je sais qu'il faut faire avancer le pied gauche, et puis le pied droit, et puis le pied gauche, et puis le pied droit. Et puis je recommence jusqu'à être arrivé et être sorti de la forêt, et j'ai réussi à traverser la forêt. Donc là, j'ai décomposé le problème de traverser la forêt en une suite de briques de base. La brique de base, c'est avancer soit le pied gauche, soit le pied droit. Est-ce qu'on peut dater l'invention, c'est une invention, ou la découverte de l'algorithme? On dit que... On a trouvé déjà au temps des Babyloniens des tablettes écrites en cunéiforme et qui donnait par l'exemple des méthodes pour faire certains calculs. Des calculs d'opérations et puis des calculs même de mathématiques assez complexes. Par exemple, racine carrée de 2. Mm-hmm. Racine de 2, comment fait-on pour calculer la racine de 2? Le nombre qui est mis au carré est égal à 2. Eh bien, il y a une façon assez simple, à savoir, si vous dessinez un carré dont la surface est égale à 2, eh bien, son côté, ça vaut racine de 2. Donc, il suffit de dessiner un carré de surface égale à 2. Maintenant, comment faire pour dessiner un carré de surface 2? Eh bien, les Babyloniens ont inventé une méthode qui dit on commence par un rectangle avec un côté de longueur 2, l'autre côté de longueur 1. Donc, il a surface égale à 2. Et puis, on le transforme en un autre rectangle de même surface, mais de plus en plus carré. Et plus on s'approche du carré, plus on s'approche d'un côté de longueur racine de 2. Et du coup, ils ont une méthode où à chaque itération, c'est quoi ? Une itération, c'est à partir d'un rectangle, trouver un autre rectangle qui a la même superficie, la même surface, mais qui est un peu plus carré que le précédent. Et ça, c'était expliqué sur des tablettes, et ça leur a permis de trouver une approximation de racine de 2 à, je crois, 6 chiffres après la virgule. Et à quelle époque, alors là on... 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et donc là, on peut dater, on peut dire que c'est le début de ce qu'on appelle aujourd'hui un algorithme. C'est le début des algorithmes. Donc, on voit bien que ça précède les premiers ordinateurs. C'était une méthode. Cela dit, cette méthode était expliquée uniquement par des exemples. Donc, elle n'était pas mise en place avec un texte qui explique de façon abstraite la manière de procéder, comme tout à l'heure pour la recette. C'était juste, dans ce cas particulier, ici, pour ce dessin, voilà comment on fait. Puis on donne 2, 3, 4 exemples de la même méthode. Et après, le lecteur a compris comment ça marche sans que ça ait jamais été explicité. Donc, je peux dire que la présentation d'un algorithme, c'est une écriture explicite qui donne les étapes. Donc, en ce sens, l'algorithme était là, mais il n'était pas encore explicité. À partir de quand devient-il explicité ? Je pense qu'on peut dire que chez les Grecs, ça y était déjà. Par exemple, Euclide... L'algorithme d'Euclide, c'est un algorithme que nous, enfin que les mathématiciens aiment. Parce Pourquoi qu'il est simple, il est beau. C'est l'algorithme du PGCD. Si vous prenez deux nombres, 12 et 30, quel est le plus grand diviseur commun à ces deux nombres? Eh bien, ils sont tous les deux divisés par 6. 12, c'est 2 fois 6. 30, c'est 5 fois 6. Et... Donc, il y a 6 qui est un diviseur commun et c'est le plus grand. Il n'y a pas plus grand. Alors maintenant, je vous donne deux nombres en général. Quel est leur PGCD, leur plus grand diviseur commun? Euclide a trouvé une méthode systématique pour le faire. Il l'a décrite et non seulement il l'a décrite, mais il a démontré que ça marchait toujours, que le résultat était toujours correct. Donc, il en fait une loi. Il en fait une loi avec une preuve. Donc, il dit, voilà le problème que je veux résoudre, trouver le PGCD. Voici la méthode pour le faire, et voilà la preuve que cette méthode est correcte. C'est-à-dire que l'algorithme donne bien la bonne solution au problème. Actuellement, dans notre société contemporaine, l'équivalent, c'est le concept de loyauté. Quand on dit qu'un algorithme doit être loyal, ça veut dire qu'il faut qu'il résolve effectivement le problème qu'il est censé résoudre. Il faut qu'il fasse ce qu'il est censé faire. On appelle ça la loyauté. Moi, j'ai toujours appelé ça un algorithme correct, donc qui résout bien le problème posé. Et le premier qui a été fait vraiment avec de A à Z, avec toutes les étapes, position du problème, description de l'algorithme, épreuve, eh bien, c'est l'algorithme d'Euclide. Mais ça, c'est ce qu'on attend des mathématiques en général, de nous fournir les moyens de résoudre un problème. C'est pas propre aux algorithmes. Les mathématiques vont au-delà de ça parce qu'elles ne demandent pas toujours à avoir une solution constructive. Donc il y a un problème et il y a une preuve, mais entre les deux, il n'y a pas toujours un chemin pour aller... On ne peut pas tout expliquer en mathématiques, c'est ça ? On ne peut pas tout expliquer de manière constructive. Dire, pour trouver la solution, vous faites comme ceci, comme cela, une suite d'opérations qui donne le résultat. Donc cette suite d'opérations, cette construction, le fait d'être constructif, c'est ça qui est... caractéristiques de l'algorithme dans le cadre des mathématiques. Il y a des questions pour lesquelles, en mathématiques, on sait expliquer qu'une solution existe toujours, mais on ne sait pas donner de démarche systématique pour construire cette solution. Donc nous, en algorithmique, on s'intéresse aux problèmes pour lesquels il existe des solutions constructives. Ce qui est plus rassurant, plus gratifiant. C'est vrai, c'est plus concret. Les gens qui font de l'algorithmique, en général, sont plus dans le concret que les mathématiciens. Un exemple de problème pour lequel il n'y a pas d'algorithme, c'est un problème de pavage. Donc imaginez, vous avez votre buanderie et vous voulez carreler le mur et vous voulez être un peu fantaisiste. Donc vous achetez du carrelage de couleurs diverses, des carreaux jaunes, roses, bleus. Votre maçon arrive et vous lui dites, voilà, carreler le mur de la buanderie, mais je veux que à côté d'un carreau jaune, je veux uniquement un bleu à droite, et puis à gauche, je veux bien du rose ou du vert, mais pas du bleu, et puis au-dessus, vous donnez des règles de proximité entre les pavés. Et après, vous lui dites, bon, maintenant, allez-y. Alors, le pauvre maçon, ça va être bien difficile pour lui, surtout si votre buanderie, le mur de votre buanderie, a une surface infinie. Donc, si c'est le plan tout entier... Ce qui est peu probable d'arriver. C'est peu probable, mais la question, est-il possible, avec vos carreaux, et avec vos règles, de paver tout le plan, il n'y a pas d'algorithme. Bon, on va voir ensemble comment ces algorithmes s'appliquent concrètement, parce que vous l'avez dit, ça part des mathématiques, mais ça peut s'appliquer à d'autres domaines aussi de l'existence. Et on va prendre des exemples concrets ensemble. Mais avant ça, le mot d'algorithme. Vous avez dit que la réalité remontait aux Babyloniens, donc 3e millénaire avant notre ère. D'où vient le mot d'algorithme? En fait, ça vient d'un personnage, d'un savant persan, n'est-ce pas? Tout à fait. Un savant qui s'appelait Al-Khwarizmi, je ne sais pas si je prononce correctement, c'était un mathématicien persan qui travaillait à Bagdad au 9e siècle. Donc Al, ça veut dire qui vient d'eux, je crois, en arabe. Puis après, il y a le nom de la région. Donc il venait d'une région qui correspond à peu près actuellement à l'Ouzbékistan. Mais il travaillait à Bagdad. Alors, à l'époque, le monde musulman, c'était le centre de la science. Toute la science mondiale s'était centrée dans le monde arabe. Et toute la science écrite, c'était écrit en arabe, comme l'anglais actuellement. Donc, c'était vraiment la langue de la science, du progrès, de la modernité. Et il a écrit deux volumes d'arithmétique et de méthodes de calcul qui ont été ensuite très utilisés. Au 9e siècle, à peu près, c'est ça? Au 9e siècle, oui. 9e siècle, qui ont eu beaucoup d'impact pour permettre de formaliser des méthodes de résolution d'équations, y compris du second degré, et puis les méthodes pour faire les quatre opérations. C'est pas lui qui a inventé de nouveaux algorithmes, mais c'est lui qui a contribué énormément à la diffusion en mettant en place ces descriptions. C'est assez drôle d'aller voir sur Internet, on peut voir quelques photos de ces manuscrits. C'est assez drôle parce que quand on explique comment résoudre des équations, par exemple, maintenant ça se fait au collège, eh bien, on utilise x. Vous savez, 2x plus 3 égale 5, donc x égale, etc. Et lui, il a tout écrit sans parler de x. Donc à chaque fois, il écrit dans la langue naturelle, il n'a pas les notations qu'on a maintenant, et il dit il faut prendre la quantité dont je parlais avant et la multiplier par ceci et cela, etc. Donc ça montre la difficulté de concevoir des algorithmes si on n'a pas le bon langage pour en parler. Et cela dit, ces méthodes donc, étaient très efficaces quand, par exemple, pour des additions, quand les nombres sont écrits en base 10. Et donc, ça a été remarqué. Alors, ça s'est diffusé après, lors de l'expansion dans la conquête musulmane de la péninsule ibérique. Ensuite, il y a un mathématicien, Sylvestre II, qui est devenu pape. Donc, ce mathématicien, il est allé à Barcelone. Là, il a été mis en contact, enfin, il a vu ses documents. Il a admiré l'efficacité de ces méthodes. Et quand il est devenu pape, il a cherché autant que possible à diffuser les connaissances par l'intermédiaire des monastères, puisque les moines avaient besoin de calculer la date de Pâques, par exemple, sans se tromper. Mmh. Donc, voilà. Donc c'est il y a eu des résistances, mais c'est vraiment là, comme ces livres étaient centrés sur les méthodes, hein, c'est vraiment là que qu'on a commencé à utiliser le mot algorithme. Et donc qui vient de ce oui. mathématicien persan Al-Khwarizmi, algorithme. On peut entendre oui. dans la sonorité d'ailleurs dans différentes langues, hein, la filiation en tout cas d'un point de vue de la sonorité. Comment des algorithmes passe-t-on à une méthode qui elle-même va être popularisée grâce à des outils? C'est l'invention de la machine, notamment de certaines machines qui permettent de calculer plus rapidement. Écoutons, si vous le voulez bien, un extrait du film de Rossellini sur Blaise Pascal, dans lequel on entend comment cette invention d'une machine à calculer va permettre de rendre beaucoup plus accessible et utilisable de manière plus pratique les algorithmes. Nous avons l'honneur, monsieur le chancelier Séguier, de vous faire présent d'une machine qui, selon ce qu'en dit son inventeur lui-même, doit sa naissance à la force de vos commandements. Quelle sorte de machine? Et quel est son inventeur? Grâce à cette machine, il peut se faire quantité et toutes sortes de calculs. Addition, soustraction, multiplication, division, en nombres entiers ou rompus, sans se servir de plumes ni de jetons, et sans danger d'erreur. Elle est l'œuvre de Monsieur Pascal, le fils. Bien. N'est-ce pas celui qui écrivit le traité des coniques et dont j'emploie le père au service de Sa Majesté en Haute-Normandie? C'est lui-même. Ah. 5 fois 8 égale 40. Égale 40. Ceci me paraît remarquable, en effet, surtout si l'invention est présentée par des esprits aussi savants que les vôtres, messieurs. Cette famille Pascal sûrement brillera de quelque grand éclat. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie, et un extrait du film Blaise Pascal de Rossellini, qui est sorti sur les écrans en 1972. On entendait un académicien qui présentait au chancelier de France, Pierre Séguier, la machine inventée par Pascal. Il prédit un grand avenir pour cette famille, et évidemment, il aura raison. Nous parlons d'algorithmes cette semaine, et aujourd'hui, une histoire des algorithmes en compagnie de Claire Mathieu. La machine, l'invention de la machine, si on écoute tout ce que vous venez de dire, Claire Mathieu, paraît être la consécration des algorithmes. Si la machine existe, eh bien l'homme n'a plus besoin lui-même de calculer, de faire le calcul qui précède l'établissement des algorithmes. Oui, la machine a beaucoup a transformé le monde des algorithmes parce que elle permet de calculer beaucoup plus vite au-delà de ce que peuvent faire les personnes. Donc il y a une question de vitesse et il y a aussi une question de données. Ça, c'est de plus en plus vrai actuellement. Donc on peut travailler sur beaucoup plus de données, beaucoup plus rapidement. Et du coup, aller largement au-delà de ce que tout humain pouvait faire. Et du coup, les petits algorithmes qui existaient depuis l'Antiquité, qui servaient au commerce et, disons, à des questions scientifiques comme l'astronomie, eh bien maintenant, se sont transformés en gros calculs avec lesquels, sur des grosses données, avec lesquelles on peut donc faire beaucoup plus. Et du coup, c'est beaucoup plus prégnant dans la société. Et c'est une manière aussi, et on le voit dans la philosophie de Pascal, de remettre l'homme à sa place. En fait, c'est une manière de montrer que les mathématiques dépassent largement le cerveau humain, puisqu'il y a des choses que les machines peuvent faire que nous ne pouvons pas faire. Il y a des choses que les machines peuvent faire que nous ne pouvons pas faire parce qu'elles vont plus vite et parce qu'elles regardent plus de données. Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'il y a une différence de nature. C'est plutôt une différence d'ordre de grandeur. De degré. Oui. C'est-à-dire qu'en droit, nous pourrions tout connaître, oui. mais de fait, oui. nous ne pouvons pas tout connaître. On pourrait suivre pas à pas. Mmh. Il est théoriquement possible de prendre pas à pas le fonctionnement d'une machine qui finalement, une fois qu'on a décomposé ça en briques de base, c'est tout bête. À la base, c'est 1 plus 1 égale 2. Mmh. Simplement, on n'a pas le temps, on n'a pas la capacité de le faire. Est-ce que vous pensez que tout s'explique en langage mathématique, en langage algorithmique? Non. Non. Alors ça, c'est... De toute façon, on ne peut pas le démontrer. Hein. On ne sait pas si... On ne sait pas... Il y a des gens qui imaginent que l'univers tout entier est une sorte d'automate, que le fonctionnement de tout un chacun est complètement déterminé par le contexte. Et donc, que si on pouvait écrire toutes les règles, on aurait simplement un algorithme. Ça commence avec l'ADN, hein, qui décrit le brin d'ADN est lui-même algorithmique. Le déroulement du monde, Ça commence avec l'ADN. Oui, c'est vrai, mais l'ADN ne détermine pas entièrement la vie d'un être humain. Regardez deux jumeaux, hein, ils n'ont pas la même vie. Ils ont des choses en commun, mais il y a quand même un espace de liberté. Les algorithmes utilisés actuellement pour, par exemple, faire des recommandations, pour acheter des livres, essaient de prédire le fonctionnement des humains, pour ainsi dire, pour essayer de leur faire acheter ce qu'on veut. Et à ce sujet, il y a Dominique Cardon qui dit, pour expliquer les algorithmes de recommandation, « Le futur de l'internaute est prédit par le passé de ceux qui lui ressemblent. » Le futur de l'internaute est prédit par le passé de ceux qui lui ressemblent. Donc c'est un peu l'idée qui est derrière les algorithmes de recommandation. Mais cela dit, ces algorithmes se trompent souvent. Le taux d'erreur est extrêmement élevé. En fait, si vous me présentez un livre en espérant que je l'achète, probablement que vous allez être déçu. Probablement que vous allez vous tromper. Ils ont une certaine qualité du point de vue statistique quand on prend des grands nombres, mais du point de vue individuel, bien qu'ils essaient de plus en plus de zoomer, de se focaliser sur les caractéristiques des individus, donc de représenter chaque personne par les catégories et les traces de son comportement passé. Jusqu'à présent, c'est loin de suffire pour prédire, pour déterminer, enfin pour prédire son comportement à venir. Et pourtant, l'application des algorithmes dans les réseaux sociaux a profondément bouleversé, notamment le jeu politique. Ce sera le sujet de l'émission mercredi prochain. Reprenons le fil de notre histoire, Claire Mathieu. Oui. Après l'invention de la machine, il y a l'invention de l'ordinateur. C'était en 1950. Écoutez, Pierre Crenès. Nous sommes avec le micro de la radiodiffusion française en Amérique du Nord, dans les vastes salles de l'IBM, l'International Business Machine, au coin de la 57e rue et de Madison Avenue à New York. La machine à calculer électronique occupe à elle seule une salle de 25 mètres de long environ et de 10 mètres de large. Le mur de gauche est occupé par une succession compacte et régulière de lampes, semblables à des lampes de radio, qui s'allument à un rythme très rapide. À l'extrémité du mur, de longues bandes de papier perforé se déroulent lentement. Et si je n'ai ni l'ambition ni la prétention de vous expliquer comment ce cerveau électronique fonctionne, je voudrais vous expliquer en détail ce qu'il est capable de faire, ce qui est assez étonnant. Par exemple, les équations sur lesquelles vous avez séché au lycée, AX plus B égale 0 ou AX2 plus BX plus C égale 0, ce sont les instructions sur carte perforée qui permettront à la machine de faire ces différentes opérations au moment voulu. Ainsi donc, la machine démarre. Et voilà, la machine à calculer électronique vient, dans cette fraction de seconde, de calculer 100 différentes multiplications de deux nombres à 14 chiffres. Vous aurez remarqué, Claire Mathieu, que le mot d'ordinateur n'est pas prononcé. Il parle encore de machine à calculer. Et pour cause, l'ordinateur sera inventé 2 ans plus tard, en 1952. Et là, on parlera vraiment d'ordinateur, l'IBM 701. Oui. C'est assez émouvant d'entendre ici au sens... on l'entend vraiment, la machine à calculer qui parfois, fait ses calculs. Voilà, c'est ça. Oui. Exactement. Et donc là, c'est un pas franchi de plus loin par rapport à la machine à calculer qu'on écoutait avant. Oui, oui, c'est vrai. En fait, j'ai dit que les algorithmes servaient aux sciences et servaient au commerce. Mais ça sert aussi à autre chose. Ça sert à faire la guerre. Et il y a eu pas mal de développement juste après la guerre. Donc ça, c'est le début des années 50. Mais au moment de la reconstruction de l'Europe, il y a des problèmes logistiques qui se sont posés. Et pour déplacer l'armée, pour faire des choix, là, on a des grosses quantités de personnes, d'armes, de munitions, de ressources. Il faut choisir où les déplacer. Et pour ça, eh bien, les quantités sont trop importantes pour pouvoir le faire vraiment efficacement en calculant de tête avec l'aspect dynamique des modifications au cours du temps. Et donc, c'est une grande motivation pour concevoir des ordinateurs. Et le terme même d'ordinateur laisse entendre qu'il y a comme un ordre, on ordonne un donné qui, sans cette machine-là, ne paraît pas ordonné. Oui, oui, il y a mettre de l'ordre, ça aide à retrouver les informations. et structurer ces informations, ça c'est vraiment un problème moderne, des temps modernes. C'est pour ça que donc les exemples d'algorithmes qu'on a cités jusqu'à présent, c'est plutôt basé sur le calcul, les opérations, les équations, etc. Mais il y a un exemple qui est peut-être plus représentatif du type d'algorithme, de problème pour lequel on cherche des algorithmes actuellement, c'est la recherche dans un dictionnaire. Si vous cherchez un mot dans un dictionnaire, vous avez essentiellement deux façons de faire, deux grandes façons de faire. Il y a les enfants qui commencent à partir du début et qui tournent les pages l'une après l'autre jusqu'à trouver le mot qu'ils recherchent. Ça prend du temps. Et puis, il y a ceux qui commencent par ouvrir le dictionnaire au milieu et puis qui regardent si le mot qu'ils recherchent est plutôt dans la première ou la deuxième moitié et puis qui répètent. On appelle ça la recherche dichotomique parce qu'à chaque étape, on coupe en deux le nombre de pages dans lesquelles on doit chercher le mot. Du coup, c'est beaucoup plus... Enfin, je ne sais même pas si c'est encore à l'ordre du jour. C'est peut-être plus enseigné, ça, à l'école. Hein. Mais à mon époque, c'était enseigné. Comment chercher un mot dans un dictionnaire. Et ça... Oui, aujourd'hui, c'est comment chercher un mot sur Google, en fait. C'est ça, sur Internet. Mais là, il y a des questions de... Justement, c'est comment organiser l'information, donc dans l'ordre alphabétique. Comment la représenter? Il faut avoir mémorisé l'ordre des lettres dans l'alphabet et puis il faut comprendre l'ordre, donc l'ordre lexicographique. Puis ensuite, la méthode pour rechercher l'information dans un foisonnement. Donc tous les mots du dictionnaire, il y en a beaucoup. Comment s'organiser pour trouver ça de façon efficace? Toutes ces questions, ce sont des questions très contemporaine. Voilà, et avant d'en arriver justement à l'époque contemporaine et aux problèmes que celle-ci soulève et à la manière qu'ont les algorithmes de pouvoir apporter des réponses, voici encore une étape, donc on est passé de la machine à l'ordinateur et maintenant la naissance de l'informatique. Vous avez parlé la nécessité de rechercher une information. Comment est née l'informatique? Quel est le lien entre l'informatique et les algorithmes? Voici cette fois-ci un extrait de 1965, le magazine des sciences avec Philippe Dreyfus. L'informatique est un mot nouveau pour couvrir une technique qui a quelques années d'existence, pas beaucoup, une quinzaine d'années, disons, et dont la définition serait la suivante. Elle comprend les moyens, les méthodes et les applications du traitement automatique de l'information. Des mots formés de lettres, des nombres formés de chiffres, des signes de ponctuation. Nous partons de ces informations de base et nous cherchons à les traiter, à les manipuler, à les transformer à l'aide de machines. Pour vous donner une idée, les machines actuelles, les plus rapides, exécutent de l'ordre du million d'opérations par seconde. C'est à Philippe Dreyfus que l'on doit, sinon l'invention, du moins la popularisation du terme d'informatique. Hein, Claire Mathieu, c'est un néologisme qui marque la contraction entre le mot information et automatique, ça devient l'informatique. Et la façon qu'il a d'en parler, là on voit qu'on est de plus en plus proche de la façon que vous avez eu de parler des algorithmes ici, Claire Mathieu. Oui, c'est vrai. Alors en informatique, il y a quand même beaucoup d'autres dimensions à part les algorithmes. Donc il y a la représentation des données, leur manipulation, les langages de programmation pour savoir expliquer les algorithmes, les transcrire d'une façon qui puisse être comprise par l'ordinateur. Donc il y a d'autres aspects fondamentaux de l'informatique et l'algorithmique, c'est l'un des quelques grands domaines. D'ailleurs, donc il y en a d'autres et l'informatique ne pourrait pas fonctionner sans les algorithmes. Et pourtant, l'informatique ne se réduit pas aux algorithmes. C'est ce que vous dites. L'informatique ne se réduit pas aux algorithmes. L'algorithme, c'est une partie de l'informatique. Et alors, comment faire à partir de là? Une fois qu'on pense comment l'informatique peut décupler la puissance des algorithmes, en fait, on pourrait le dire ainsi. Oui. Comment est-ce qu'à partir de là, les algorithmes sont venus? C'est comme ça qu'on peut le vivre aujourd'hui. Hein, sont venus s'appliquer de manière plus directe à la vie quotidienne, parce que nous-mêmes avons engagé un rapport beaucoup plus étroit avec l'informatique, qui désormais fait partie intégrante de notre existence. Oui. Et aujourd'hui, les algorithmes semblent régir notre vie quotidienne, et pas simplement, comme vous l'avez dit, parce qu'ils permettent d'anticiper nos réactions lorsqu'on achète quelque chose sur Internet, mais parce que, semble-t-il, ce que nous faisons, la manière que nous avons de vivre, et même le réel lui-même, serait entièrement réductible à ces algorithmes. C'est un effet d'optique. Je pense que ça, c'est aller un peu vite en besogne que dire qu'on peut réduire notre vie à l'algorithmique quand même. Je n'irai pas si loin. J'ai beau aimer les algorithmes, quand même, il y a autre chose dans la vie. Alors que répondez-vous aux tenants de cette position parce qu'ils sont nombreux? euh, qu'est-ce qu'il y a au-delà, au-delà des algorithmes dans l'existence? Eh bien, nous, notre contact avec la réalité, c'est par les cinq sens. Et nous réagissons entre autres par nos émotions. Et je pense que quand on voit quelque chose et qu'on dit c'est beau, cette dimension de beauté, je crois que c'est quelque chose qui ne peut pas être capturé par un algorithme. Pourtant, on propose aujourd'hui des représentations artistiques qui sont le résultat d'algorithmes et qui suscitent l'approbation de quiconque les regarde, comme s'il y avait une statistique, une norme de la beauté qu'on pouvait atteindre. Il me semble que ce qui est beau, non, je crois qu'on ne pourra jamais. Je ne pense pas qu'on puisse mettre ça en équation et dire voilà. Là, c'est bon. C'est vrai que la simplicité, par exemple, il y a des éléments qui participent à la beauté. Par exemple, ce qui est simple, ça quand quelque chose est simple, ça le rend plus c'est beau. Mais je pense vraiment que là, il y a quelque chose qui est au-delà de l'automatique. Et de même, en fait, pour les êtres humains, hein, personnellement, je pense qu'un être humain ne se réduit pas à une description numérique, quel que soit le nombre de catégories qu'on lui donne, et que son comportement ne se réduit pas à un simple automate. Ce qui vous permet d'être plutôt optimiste quant à l'application des algorithmes sur notre vie quotidienne. Vous pensez qu'ils peuvent, dans ce cas, améliorer notre vie plus que lui nuire quand ces algorithmes sont aux mains de personnes qui dirigeraient ou qui voudraient décider à notre place? C'est plutôt rassurant sur ma liberté, si je me dis que j'ai un champ... Voilà, qui échappe. Qui échappe au pouvoir des algorithmes. Les algorithmes sont là d'abord pour nous aider dans notre vie et dans la société. Avec tous les dangers qui vont avec le pouvoir des algorithmes. Comme c'est les algorithmes alliés aux ordinateurs sont très puissants dans toutes tout ce qui se passe dans la société, mais cette puissance, elle peut être utilisée pour améliorer notre vie. On va prendre des exemples. En sont des exemples que vous avez abordés vous-même hein, dans la leçon inaugurale du Collège de France. L'algorithmique, c'était l'an dernier. On peut trouver d'ailleurs cette leçon inaugurale aux éditions Fayard. Hein. Elle a été publiée en 2018. On va prendre plusieurs exemples qui permettront de comprendre, parce que c'est peut-être ça qu'il faut distinguer maintenant, Claire Mathieu, que les algorithmes ne sont pas toujours absolument nécessaires, qu'un algorithme n'est pas absolument déterminant, qu'il y a une part d'aléas, y compris dans l'utilisation la plus rigoureuse possible d'un algorithme. Voici quelques exemples, vous nous expliquerez ensuite ce qu'ils signifient. Aujourd'hui, Archimède a un problème concret. Dans quel ordre doit-il visiter les trois villes de Grèce où vivent chacun de ses élèves, de façon que son trajet soit le plus court possible? Aristide le braconnier a une question tout aussi précise. Comment ramasser au plus vite les proies prises dans les pièges de sa forêt? Casanova, on ne s'en étonnera pas, désire honorer sans perdre de temps chacune de ses maîtresses, éparpillées dans les châteaux italiens. Yvette, députée efficace, souhaite prononcer un discours dans toutes les villes de sa circonscription de Lisieux. Enfin, Joe, voyageur de commerce, doit rendre visite à ses clients, chacun d'eux travaillant dans une usine séparée. Nous voyons combien la question est générale. Il a été dénommé, à cause de Joe, le problème du voyageur de commerce. Repartons sur ce problème du voyageur de commerce, si vous le voulez bien, Claire Mathieu, car vous l'avez déjà, déjà employé. C'est un exemple de ce que vous appelez un algorithme d'approximation. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors ça c'est le problème du voyageur de commerce, donc il a été très bien présenté là par des exemples. Voilà, on a trouvé cet extrait sur le blog Ressources Maths. Ah, très bien. Alors en général, vous avez un ensemble de sites et vous avez une personne qui veut les visiter et à chaque fois, pour aller d'un site à l'autre, il faut faire un trajet qui prend un certain temps et on veut minimiser la longueur totale du trajet. Alors, comment faire pour trouver le trajet le plus court possible? Il y a une façon de faire, c'est de prendre un papier et crayon et de regarder toutes les possibilités. Le nombre de possibilités, c'est le nombre de façons d'ordonner ces sites. C'est le nombre de permutations. En fait, c'est un nombre très, très élevé. Dès qu'on a une centaine de sites, c'est tellement élevé que même avec l'ordinateur le plus rapide, on ne pourrait pas... je crois qu'on ne pourrait pas y arriver avant... la fin de vie du soleil. Donc là, vous avez un algorithme qui est d'essayer toutes les possibilités une par une. Mais en fait, ce sera, pour ainsi dire, jamais fini. Enfin, ça se termine au bout d'un certain temps, mais c'est tellement long que entre le fait que ça se termine un jour et le fait que ça rentre dans une boucle et ça répète à l'infini, il n'y a pas, concrètement, il n'y a pas de différence. À l'échelle d'une vie humaine, en tout cas. À l'échelle d'une vie humaine, oui. Du coup, ça veut dire qu'il faut, trouver une méthode plus rapide. Et ce problème, c'est un problème qui est ce qu'on appelle NP difficile, dans notre jargon d'informaticien. Autrement dit, qu'on pense qu'il n'existe pas, on conjecture, qu'il n'existe pas de solution d'algorithme efficace. NP difficile. NP. Pourquoi NP ? P, c'est comme polynomial, ça veut dire efficace. N, c'est comme non déterministe. Ah bah je vous pose la question, donc on avait dit qu'il fallait simplifier, c'est vrai que qu'on pose des questions ça complexifie, mais comment on parle la même langue. Et du coup, NP difficile, ce problème NP difficile, ça veut dire qu'on conjecture qu'il n'existe pas d'algorithme efficace. Pour ce voyageur de commerce. Pour ce voyageur de commerce. Cela dit, pour certains problèmes, on peut trouver une solution efficacement. Pour certains problèmes particuliers, c'est-à-dire en général c'est compliqué, mais peut-être que dans des cas particuliers c'est facile. Et puis peut-être que lorsque le nombre de sites est faible, peut-être que là, on peut résoudre le problème. Mais alors, si on veut avoir une solution générale, il faut abandonner l'idée d'avoir la meilleure solution, la solution optimale. Et du coup, on est obligé de se résoudre à avoir une solution approchée, une solution approximative. Alors, comment donner un formalisme mathématique au fait de trouver une solution approchée ? Comment dire définir le fait qu'une solution soit satisfaisante ou pas satisfaisante, si ce n'est pas la meilleure solution. Eh bien, c'est là qu'on essaie de donner des garanties sur l'erreur. Donc, on va dire, ce n'est pas forcément la solution la plus courte qui soit, mais c'est à 1% près, c'est la plus courte. Donc, c'est au plus 1% plus long que la solution la plus courte possible. Donc, cette erreur, cette approximation de 1%, c'est le genre de garantie qu'on recherche dans mon domaine de recherche, les algorithmes d'approximation, où nous cherchons à trouver non pas la solution optimale, mais une solution avec une garantie approchée à un certain pourcentage. Mais qui devient la solution optimale ? Qui devient la solution qu'on choisit, mais qui peut ne pas être optimale, qui peut être restée à 1% de l'optimale. Donc c'est la solution qu'on choisit. Pourquoi ? Ben parce que peut-être qu'il existe une autre solution qui est très légèrement meilleure, mais pour trouver cette autre solution, ça prendrait beaucoup trop longtemps. Donc les critères ici sont ceux à la fois de l'efficacité, bien sûr, mais aussi de la rapidité. Efficacité, oui, rapidité. Rapidité, on veut trouver une solution qui soit proche de la bonne solution, enfin, dont le coût soit proche du meilleur coût possible, et qui soit rapide. Donc la rapidité, c'est vraiment un critère qui a été mis en place essentiel lors du développement de la discipline algorithmique, donc dans les 50 dernières années, comme étant un critère central de qualité des algorithmes. Un bon algorithme, c'est d'abord un algorithme rapide. Parce qu'un algorithme lent, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il n'aura jamais le temps de finir. Il n'aura pas le temps de finir son travail. Donc, il ne donnera pas la solution. Donc, il faut trouver un équilibre entre l'efficacité et la rapidité. Oui. Et parfois, la rapidité implique qu'on renonce en partie à l'efficacité. La rapidité implique qu'on renonce. Si on fait le choix de la rapidité, ça peut nous obliger à renoncer à avoir la meilleure solution possible. On est obligé de réviser ces critères. Alors, on va prendre un autre exemple, parce que ce que vous dites sur l'équilibre à trouver entre la rapidité et l'efficacité peut laisser penser que peut-être notre impératif de rapidité, parfois, nous conduit à sacrifier l'efficacité, en tout cas le résultat escompté quand on a recours aux algorithmes. Souvenez-vous, alors là je m'adresse aux auditeurs, parce que vous le savez bien, Claire Mathieu, quand il y a pas si longtemps, on a proposé une réforme du choix des universités après le bac pour les étudiants pour s'inscrire. Avant, on s'inscrivait à l'université, on choisissait une université, on était admis ou pas. Et désormais, Parcoursup existe, hein, c'est donc un nouveau système d'admission des futurs bacheliers dans l'enseignement supérieur. Vous avez, Claire Mathieu, collaboré à cette réforme. Vous êtes chargée de mission auprès du ministère pour Parcoursup. Oui. Je vous propose qu'on écoute le résumé, enfin la présentation officielle de cette méthode, et vous nous direz ensuite en quel sens elle est, alors peut-être pas la méthode optimale, mais celle qui était la mieux à même de répondre aux besoins exprimés. Tu es en terminale, tu prépares ton bac et tu souhaites entrer dans l'enseignement supérieur ? Ou tu es étudiant et tu veux te réorienter en première année ? C'est sur Parcoursup que tu dois effectuer tes démarches pour te préinscrire dans l'enseignement supérieur à la rentrée 2019. Parcoursup regroupe près de 14 000 formations du supérieur et propose pour chacune d'entre elles des informations précises. Leur contenu, les connaissances et compétences attendues, les critères d'examen des vœux, le nombre de places disponibles, les débouchés et les taux de réussite. Lis attentivement ces informations avant de saisir tes vœux. Elles te permettront de mieux connaître les formations et d'évaluer la pertinence de tes choix d'orientation. Consulte les formations disponibles sur parcoursup.fr. C'est intéressant de voir que lorsqu'on s'adresse à des étudiants, on les tutoie, comme pour essayer de montrer que voilà, y a une forme de proximité induite. Oui. Alors, vous avez donc travaillé, dites-nous ce que vous avez fait. Vous avez travaillé sur l'algorithme de la plateforme admission post-bac et sur l'algorithme de la nouvelle plateforme Parcoursup. Sur Parcoursup, oui. Voilà. Donc, l'idée était de faire en sorte que chaque étudiant se retrouve après le processus avec le choix qui se rapprochait le plus de son choix numéro 1, compte tenu de toutes les options demandées par les autres étudiants. Oui. Alors, pourquoi est-ce que ça crée un tel problème ? Il y a eu tellement de réactions d'étudiants qui n'étaient pas satisfaits avec le choix. On a décrit des parcours de combattants pour s'inscrire, pour essayer de simplement remplir le formulaire. Comment vous l'expliquez ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne affectation des étudiants aux formations d'enseignement supérieur ? Il y a une réponse qui a été donnée par Gale et Shepley il y a une cinquantaine d'années. L'algorithme de Gale Shepley permet de trouver une affectation des étudiants aux formations de façon qu'il n'y ait pas de pair instable. C'est-à-dire de façon qu'il n'y ait pas un étudiant qui regarde une université qui se dise « Ah, moi j'aurais mieux aimé aller là que là où je me retrouve à la fin. » Et l'université qui regarde cet étudiant qui se dit « Ah, moi j'aurais mieux aimé recruter cet étudiant-là plutôt que le dernier que j'ai recruté. » Quand il y a quelque chose comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a un risque élevé que l'université et l'étudiant se mettent d'accord en dehors du système, de la plateforme. Donc une plateforme ne peut être stable que si elle garantit que l'affectation qu'elle va produire n'a pas ce genre de situation. Et donc ça, c'est l'algorithme de Gale et Shepley. Donc c'est eux qui ont défini la stabilité, ils ont proposé un algorithme qui permet de garantir cette stabilité. Cet algorithme a été utilisé en France par la plateforme APB. Donc depuis déjà longtemps, et ça a eu tellement de succès que APB, qui au départ était juste pour les classes préparatoires, a été étendu, jusqu'à dépasser le cadre dans lequel l'algorithme s'appliquait naturellement. Du coup, il y a eu des ajustements qui ont été faits pour essayer de rentrer dans le cadre. Et ces ajustements, accidentellement, ont rajouté des contraintes qui ont fait que d'un seul coup, l'algorithme était plus stable. Et du coup, il y a eu des problèmes de stratégie. Du coup, l'algorithme APB s'est mis à poser des difficultés. Et c'est à cause de ça que, entre autres, que le gouvernement a dit « Bon, maintenant, on va faire une remise à plat. On redémarre avec Parcoursup. » Mais Parcoursup utilise de nouveau la même méthode, l'algorithme de Gale et Shepley, les algorithmes stables, simplement fait de façon différente. L'une des observations qui ont été faites, c'est que les étudiants, enfin les lycéens qui candidataient, ce qui leur semblait le plus difficile, le plus anxiogène, paraît-il, m'a-t-on dit, c'était de mettre un ordre dans leurs vœux, de dire quels étaient leurs vœux numéro 1, 2, 3, etc. Et du coup, l'une des idées de Parcoursup était d'essayer de leur éviter de se poser ces questions en ne leur demandant de se décider qu'au moment où c'était indispensable. C'est-à-dire n'avoir à dire entre deux formations laquelle des deux ils préféraient qu'au moment où c'était nécessaire pour la suite de l'algorithme. Oui, parce que ça présuppose une stabilité du désir de l'étudiant qui n'est pas forcément réelle. Et du coup, donc moi quand je suis arrivée, j'ai aidé à une partie de l'algorithme pour par exemple pour essayer d'incorporer les taux de boursiers, les taux d'étudiants hors académie, et puis pour essayer de gérer le problème épineux de l'allocation de chambres d'internat aux candidats à classe préparatoire. Donc là, c'est un exemple très concret d'une manière de la manière qu'ont les algorithmes de pouvoir venir en aide. Oui. Voilà, de manière vraiment en suivant. Oui, c'est-à-dire que là, sans algorithme, comme il y a 800 000 candidats, et l'an dernier, il y avait 13 000 formations, donc on ne peut pas faire tout ça à la main. Et en fait, ce qui se passait autrefois, c'était que c'était très local. Les gens avaient plus tendance à aller parce qu'ils savaient que leur frère, leur cousin, leur ami étaient allés à tel endroit, leur professeur leur recommandait des choses. C'était un peu par le bouche-à-oreille, un peu par les connaissances locales. Donc les jeunes étaient un petit peu limités dans les possibilités par ceux, ils n'avaient accès qu'à ceux qu'ils connaissaient. Et parmi les 13 000 formations, ils n'en connaissaient qu'un tout petit nombre, même en demandant conseil autour d'eux. Alors que là, avec l'apparition de cette plateforme nationale, APB puis Parcoursup, il y a la possibilité pour tout le monde de voir toutes les possibilités. Mais dans quelle mesure est-ce que l'utilisation des algorithmes est absolument détachée de toute forme de morale ou d'idéologie ou de fin poursuivie qui viendrait pouvoir, pourquoi pas, influencer la manière dont ces algorithmes sont utilisés? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Alors les questions, les dimensions de morale ou d'éthique. On peut vous dire, mais là, puisque vous êtes chargé de mission, mais en gros, la façon que vous avez d'utiliser les algorithmes est au service du gouvernement, donc peut-être n'est-elle pas absolument objective. les questions particulières dont j'ai été chargée, il n'y avait pas de dimension de ce type, je pense. C'est-à-dire que c'était des questions bien circonscrites. En quelque sorte, nous, les concepteurs d'algorithmes, nous sommes pour ainsi dire des exécutants. Voilà, il faut faire une assignation qui satisfasse à telle ou telle propriété, tel ou tel critère, et maintenant, à vous de... Donc vous ne vous posez jamais la question des fins, des buts. la question des buts, eh bien, disons que pas dans les choix algorithmiques. En revanche, je pourrais très bien, si les buts qui me semblaient être suivis par le ministère en général, si c'était trop loin de ceux auxquels j'adhère personnellement, je pourrais toujours démissionner. Ça, c'est possible. Mais disons, les questions que j'ai à résoudre en tant que scientifique n'ont pas en elles-mêmes de dimension morale. Cela dit, je pense que c'est vraiment un problème très important actuellement. Je pense que dans la mesure où ces algorithmes ne sont plus pour faire des additions, des soustractions, des multiplications ou des calculs d'orbite dans le ciel, mais c'est pour décider combien les gens, les conducteurs vont payer en assurance automobile ou bien où les gens vont faire leurs études ou qui va être élu, quels seront les contours des circonscriptions pour définir les députés, Parlement. Donc ce genre de questions, il est absolument indispensable d'avoir les bons critères. Et là, il y a des dimensions éthiques. En particulier, une difficulté, c'est que autrefois, quand on faisait juste, on servait des algorithmes pour faire de la science. Quand on disait ça marche, c'était relativement bien défini. On avait un objectif clair et donc on pouvait confronter le résultat à l'objectif désiré. Pareil pour le voyageur de commerce. Il y a un objectif qui est clair. En revanche, si on nous dit faire une recommandation, par exemple, ou un résultat de recherche, on demande les informations, les news, on va regarder sur Internet, est-ce qu'on a la bonne réponse? Est-ce que ça marche? Eh bien, qu'est-ce que c'est que la bonne réponse? Ça, c'est pas clair du tout. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de dire qu'un algorithme marche. Et en tout cas, en chanson, il marche, figurez-vous. On va se quitter avec cette chanson Botnik featuring Morrissey. Alors, les paroles de cette chanson ont été écrites par un algorithme. Dans l'algorithme, on retrouve comme information les paroles de chanson de Morrissey à 50% et des commentaires d'une vidéo de musculation à 50%. Écoutez. Every day is like a workout for my mind, so I'm a marathon runner in my sorry way. Will I be a wonderful shape after completing P90X? I was wasting my money and my overall health on a government scheme designed to push myself to die. I gained an ocean and I cried because I could, just to see results I really started to cry. Un grand merci Claire Mathieu d'être venue nous initier aux algorithmes ce matin.

Un grand merci à Isis Jourda qui m'a aidé à préparer cette émission avec Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Jordan Fuentes qui était à la prise de son. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur les algorithmes. Demain, nous serons en compagnie d'Aurélie Jean et de Serge Habitboul. On se posera une question. Le monde est-il écrit en langage mathématique? De Galilée, bien sûr, jusqu'aux réseaux sociaux. D'ici là, pour écouter cette émission, cette introduction aux algorithmes, en compagnie de Claire Mathieu, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également au paradis des algorithmes, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, où nous serons ravis de répondre à vos questions, à moins que ce soit un robot qui le fasse à notre place. On se retrouve demain à 10h, donc d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.